Salut tout le monde, moi c'est Michael, je fais des claquettes irlandaises. J'ai pété le Guinness Book en faisant 35 pas en un coup. Moi je m'appelle Michael Flatley, Lord of the Dead, of the claquette. J'suis pas très grand, mais j'suis très beau. Et puis j'suis fort et mégalo. Y'a ma copine, une vraie Barbie, et mon pote qui c'est pas gentil. Yes. Depuis des années, après Riverdale, j'ai fait mon propre show de claquettes. On m'a appelé trésor vivant, je comprends pas, mes os sont en blanc. Chante comme des prêtres, c'est con ce que je dis, mais je m'en fête. Y'a la gamine qui joue de la flûte, et les deux blondes jouent du violon. Yes! Tout le monde adore ce que je fais, mais pourtant je suis déçu quand même. Je vois pas assez le monde à mon show, pourtant j'ai mis des trucs en rap. Je joue de la flûte, pas merci hier. Ça suffit pas, je fais des claquettes. Tout péter sur le bord de la scène, ça suffit pas, ça me fout la haine. Et si je me pète une de mes jambes, je suis privé de show pendant un an. Michael Flatley, bah oui c'est moi.